« Qu'est-ce que tout ceci veut dire ? » s'écria Lisbeth, restée seule avec Victorin. L'avocat, planté sur ses jambes, dans une stupéfaction très convenable, n'entendit pas Lisbeth. « Qu'as-tu, mon Victorin ? Je suis épouvanté, » dit l'avocat, dont la figure devint menaçante. « Malheur à qui touche à ma mère ! Je n'ai alors plus de scrupules. Si je le pouvais, j'écraserais cette femme, comme on écrase une vipère. Ah, elle attaque la vie et l'honneur de ma mère !»« Elle a dit, ne répète pas ceci, mon cher Victorin, elle a dit qu'elle vous logerait tous encore plus bas que votre père. Elle a reproché vertement à Crevel de ne pas vous avoir fermé la bouche avec ce secret qui paraît tant épouvanter Adeline. » On envoya chercher un médecin, car l'état de la baronne empirait. Le médecin ordonna une potion pleine d'opium, et Adeline tomba, la potion prise, dans un profond sommeil. Mais toute cette famille était en proie à la plus vive terreur. Le lendemain, l'avocat partit de bonne heure pour le palais, et il passa par la préfecture de police, où il supplia Vautrin, le chef de la sûreté, de lui envoyer Madame de Saint-Estève. « On nous a défendu, monsieur, de nous occuper de vous. « Mais Madame de Saint-Estève est marchande, elle est à vos ordres, » répondit le célèbre chef.